AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Nous avons à droite la colonie qui s'appelle Big Medellin. Hatem Totar, notre chauffeur. Les colons sont arrivés après la guerre de 1948 et se sont installés un peu partout. D'abord, ils mettent des containers, puis ça devient un camp, et ensuite, ils commencent à construire des maisons. C'est le côté droit que nous traversons maintenant. Il y a une plus grande colonie. Ce n'est même plus une colonie, c'est une ville. Elle est presque de la même taille que Jérusalem. Les colons ont à leur disposition toutes les infrastructures et des solides bâtiments. Tout est nouveau là-bas. Ils ont pris toutes ces terres, installé leur colonie et ont pris tous les espaces verts. C'est ça l'occupation. Ça signifie que tout a été pris par la force. La ville qui se trouve sur la gauche était arabe à l'époque. Et cette route mène à Ramleh. Les Arabes et les Juifs vivent ensemble, mais seulement leur qualité de vie est très différente. Les infrastructures, les routes et tout le reste, alors qu'ils payent les mêmes impôts. Les Palestiniens et la question palestinienne, des murs, des barbelés, des colons et une occupation. Somanina, Alain Lefkovitch. À droite là-bas, c'est la ville de Kalkilia. C'est la Cisjordanie. Il y a un mur qui empêche d'accéder à Israël. Les Palestiniens sont coincés sur la rive ouest et du côté de la Cisjordanie, ils peuvent rejoindre Nablus, Jenin et Hawara. Hawara est le lieu du dernier crime commis par les colons israéliens. Ils sont arrivés et ont tout saccagé. Vous pouvez voir de l'autre côté toutes les installations électriques et les caméras. Voilà comment ils se protègent. Alors là, sur le panneau, il y a marqué « Entrée interdite aux citoyens israéliens ». Pourquoi ? Parce que tous les villages autour de cette autoroute sont villages palestiniens dans la Cisjordanie. Maral Khoutiene, notre fixeuse en Cisjordanie. Et donc après les arrangements de Oslo, et les Israéliens sont interdits, les civils israéliens, pas les soldats, ils sont interdits d'entrer dans les villages, les villes palestiniennes dans la Cisjordanie. On est au checkpoint Mazmouriye. On est en train de traverser le checkpoint vers Hébron. Hébron, ville sainte pour les trois religions monothéistes, au beau milieu des monts de Judée, à 28 km au sud de Jérusalem. Une des cités les plus anciennes du Proche-Orient. 35 000 Palestiniens y vivent. Mais depuis 1979, des colons israéliens occupent le centre de la vieille ville. Ils sont aujourd'hui 850, protégés par 17 unités de l'armée israélienne, avec postes de contrôle, caméras de surveillance, barbelés et murs de séparation. En contrebas de cette colonie, des Palestiniens dont les maisons ont parfois été coupées en deux, contraints de laisser place aux nouveaux occupants, les commerces restent portes closes, harcelés par des colons déversant sur eux quotidiennement toutes sortes de choses. Excréments humains, serviettes hygiéniques et ordures en tout genre, au point qu'un grillage a même été installé au-dessus des boutiques. En vain. À quelques encablures, la colonie de Kiryat Arba, où vit Itamar Ben-Gvir, l'actuel ministre israélien de la Sécurité nationale, symbole de l'extrême droite radicale dans le 6e gouvernement Netanyahou, le plus à droite de l'histoire d'Israël. Avec son vieil ami, le sulfureux Baruch Marzel, juif intégriste originaire de Boston, il tente d'étendre le territoire des colons, en s'installant à Tel Roumeida, un site archéologique très disputé situé à la limite occidentale de la colonie juive d'Hébron. Marzel renforce la présence israélienne dans un des quartiers les plus sensibles de la ville. Un véritable carnage a eu lieu ce matin dans les territoires occupés par Israël. Un colon juif a abattu 48 Palestiniens et en a blessé 80 autres qui priaient dans une mosquée de Hébron. Pour l'instant, on ne sait pas si l'homme, qui est un colon d'origine américaine, a agi vraiment seul ou s'il était membre d'un commando. En tout cas, ce terrible massacre peut enrayer le processus de paix qui a tant de mal à se mettre en route. À Jérusalem, Charles Ander. Il n'y avait pas assez d'ambulances à Hébron pour transporter toutes les victimes. France 2, 25 février 1994. Je suis Hiba Shriyef, la ville de l'Académie. Je suis Héba Chalif. J'habite la vieille ville d'Hébron depuis 45 ans. Ma famille y vit depuis plus de 70 ans. Je me souviens, c'était le mois du Ramadan, au moment de la prière du vendredi matin. Nous étions tous en prosternation lorsque nous avons entendu des explosions de grenades suivies de coups de feu. C'était Baruch Goldstein qui est rentré dans la mosquée des femmes par l'escalier à notre gauche. Ça criait de partout. Nous trouvions suspect le petit nombre de soldats présents sur les lieux. Car cette tuerie a embrasé les territoires occupés. Des affrontements très violents opposent l'armée à des manifestants palestiniens partout, à Gaza, en Cisjordanie et aussi à Jérusalem-Est où des émeutes se déroulent sur l'esplanade des mosquées. Au moins 6 Palestiniens ont été tués au cours de ces accrochages. On arrive au checkpoint. C'est la checkpoint principale pour entrer la zone de la mosquée ébrahimique. La mosquée d'Abraham, située dans ce tombeau des patriarches, lieu saint que se partagent musulmans et juifs. Au nord-ouest, la synagogue, qui occupe les 3/5 du monument, et au sud-est, la mosquée, dont l'accès se fait sous le strict contrôle israélien. Une épreuve quotidienne pour son directeur, Evzi Abousnener. Ce matin, je suis arrivé ici. Je passe par les checkpoints, comme d'habitude. Normalement, le responsable de la mosquée, connu de l'armée, ne doit pas être interpellé. L'armée lui doit un certain respect. Je suis une personnalité religieuse qui doit être respectée par toutes les religions, mais les soldats présents ce matin-là, à cet endroit, ont voulu me provoquer. Ils m'ont demandé ma carte d'identité et ont relevé le numéro de ma carte. J'ai réagi avec calme et diplomatie, et j'ai dit à la soldate qu'elle n'a pas à être dans la mosquée, et à ce moment, un soldat a essayé de pénétrer avec elle. Et je leur ai refusé l'entrée. Ça, ce n'est qu'un échantillon des agressions que nous subissons au sein de la mosquée Al-Ibrahim et que l'on doit relativiser face à d'autres agressions bien plus graves, notamment l'interdiction de l'appel à la prière. L'année dernière, 613 appels à la prière ont été interdits par l'armée. Le mois dernier, février, 41 fois. Janvier, 44 fois. Donc ce matin, ce qui m'est arrivé n'est pas grand-chose. Fais Depuis ce massacre de la mosquée en 1994, ils ont fini par fermer des commerces qui appartenaient aux Palestiniens. Nous avons actuellement 30 magasins ouverts. Avant, il y en avait 200. Ici, c'est la rue Salé. On va prendre cette rue jusqu'à la boutique d'Abd el-Raouf. Parce qu'au-delà, c'est considéré comme une aire de repos pour les colons. L'accès nous est interdit. Il y a eu un arrêté autorisant l'ouverture des magasins. Mais comme à chaque fois, l'armée et les colons font barrage. Abd el-Raouf, il est la seule Palestinien qui avait le droit d'ouvrir son magasin dans la rue Sahle. Et les attaques et harassements font partie de la campagne des élections internes dans la partie Otsma Yehoudite. Et donc, Baruch Marzel et Itamar Ben-Gvir sont venus pour faire leur campagne électorale. Neveu d'Abd el-Raouf, ancien propriétaire de la boutique. C'était il y a 7 ans, pendant la campagne électorale de Baruch Marzel et Itamar Ben-Gvir. Leur mot d'ordre, c'était agresser les Palestiniens qui habitent dans ce secteur. Il y a eu un accrochage entre l'armée et Abd el-Raouf, mon oncle. Et à ce moment-là, les colons sont arrivés et ils se sont mis à frapper violemment, à casser la boutique. Ils ont détruit la marchandise, blessé de nombreuses personnes, comme dans la vidéo. L'armée regardait son passage à tabac. La police a fini par arriver. Comme d'habitude, l'armée a pris la défense des colons. Ici, dans ce quartier, la répression militaire est insupportable. Nous devons faire preuve de courage et patience pour faire face, car ils cherchent à nous faire disparaître de ce quartier. Ils offrent de grosses sommes aux Palestiniens pour qu'ils vendent leurs propriétés. Abd el-Raouf, ils ont commencé par offrir 2 millions, en passant par un juif milliardaire australien, puis 3 puis 5 millions jusqu'à 100 millions. Bien sûr, Abd el-Raouf a refusé, et 3 mois avant son décès, un autre milliardaire juif lui a proposé 50 millions, en plus en lui disant « Vends-nous ta boutique et va faire ta vie ailleurs, choisis la banque et le pays que tu veux, et on assurera ta protection. » Il a toujours refusé. Maintenant, il est mort, et nous continuons de résister à la pression. Inch'Allah. Welcome to Hebron. Wow, encore un checkpoint, des barbelés et cette école qui surplombe le souk. Et donc la partie israélienne maintenant est au-dessus des habitations et des commerçants palestiniens. En fait, les colons israéliens, ils sont tous dans la centre-ville de la vieille ville de Hébron. Donc ils sont installés dans la centre, pas seulement autour de l'Hébron. Et c'est très unique parce que les autres villes palestiniennes, ils ne sont pas comme ça. Cette maison est interdite à l'habitation. C'est un point militaire. L'armée peut l'occuper à tout moment et installer des colons à l'intérieur. Regarde, ils nous surveillent de là-haut. Dans cette rue, on va croiser des habitations divisées entre colons et palestiniens. À l'intérieur d'une même maison, un seul mur sépare les familles. C'est le cas de la maison de la famille Seder ici. Et l'autre côté de la rue, c'est interdit aux Palestiniens de se présenter là-bas parce que c'est la rue qui monte pour la colonie israélienne Beit Hadassa. Et normalement, les voitures palestiniennes, ils sont interdits de voyager dans ces rues. Même l'autre côté, qui est un quartier palestinien, et il y a des sièges autour de leur quartier. Ils avaient des cartes spéciales pour aller et rentrer. Il y a pas mal de colons qui utilisent la rue avec leur voiture, leur camion, parce que ça monte où l'autre, la plus grande colonie qui s'appelle Kiryat Arba. Et alors là, au-dessus de nos têtes, encore des grillages, parce qu'au-dessus, il y a des colons. Il y a des colons. En fait, les colons, ils sont installés à la côté gauche. Et ils jettent leurs poubelles partout, tous les jours. Et précisément quand il y a deux mois sacrés comme Ramadan, il y a des célébrations, des fêtes palestiniennes, l'Eid ou des fêtes religieuses. We have many kinds of areas. We have the Israeli area. Ici, le territoire est découpé en différentes zones. Il y a la partie israélienne où se trouve Tel Aviv, Jérusalem, Netanya et Naharaya. C'est la zone israélienne, la zone sécurisée. A area that's meaning, for example, Ramallah, Bethlehem, Jenin, Hebron. Il y a la zone A, là où se trouve Ramallah, Bethléem, Jenin et Hébron. C'est sous autorité palestinienne. Mais les soldats israéliens peuvent y accéder à tout moment et librement. Ensuite, il y a la zone B où vivent des Palestiniens. Il n'y a aucune structure. Ils n'ont pas de services là-bas. Certains gens ont des Certains ont une carte d'identité de Jérusalem-Est et d'autres ont une carte verte. Enfin, il y a la zone C. Cette zone est dite mixte. Elle a été créée lors des accords d'Oslo et était censée permettre au gouvernement palestinien d'avoir un territoire, un pays pour les Palestiniens. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien de tout cela. Cette zone C relie toute la Cisjordanie. Dans cette zone C, il y a aussi des colons qui y vivent. Lorsque les Palestiniens traversent ces villages colonisés, ils ne sont pas en sécurité. Like Hawara. Hawara is a good example because it's what happened over there. C'est la même situation que Hawara. C'est un bon exemple, Hawara. Any alert, any emergency. Les colons prennent pour prétexte n'importe quelle alerte ou urgence pour accuser ou attaquer les Palestiniens qui vivent. Problems for the Palestinian who's living over there. Il y a toujours des attaques. All the time. Every day they kill people. Every day kill 3, 1, 5, 10. Adnan Husseini, membre de l'exécutif de l'OLP, en charge des affaires de Jérusalem. Tous les jours, il y a des tueries. 3, 1, 5 ou 10 personnes. Les colonies s'étendent de plus en plus. De plus en plus de démolitions. Ils confisquent, construisent et défigurent ce dernier morceau de territoire qui devait nous revenir. Je suis né en 1944. J'ai 78 ans maintenant. Je n'ai jamais perdu espoir. Nous connaissons nos ennemis, mais nous avons un problème interne avec nos dirigeants. Farah Aboumedem, ancien ministre de la Justice de Yasser Arafat. Car nous n'avons pas une entité qui nous dirige comme le faisait Abou Ammar avec l'OLP. Oslo a absorbé l'OLP. Nous avons aujourd'hui le sentiment d'être étrangers d'une façon ou d'une autre dans notre propre pays. Tu es réfugié dans ton propre pays dans lequel tu n'es pas libre de tes propres mouvements. Moi, j'ai mes filles qui habitent à Ramallah et je ne peux même pas leur rendre visite. Nous avons le sentiment d'être dans une prison à ciel ouvert. C'est ça la situation ici. J'ai un cousin qui habite en Cisjordanie. Je ne peux pas lui rendre visite parce que j'ai une carte d'identité bleue. Mais pour lui, c'est aussi compliqué de venir me voir. Il doit d'abord demander un permis pour traverser la frontière et se rendre en Israël. Et c'est pareil pour tout le monde, même pour les vieux. Mais pour lui, c'est aussi compliqué de venir me voir. Vous devez demander un permis, donner de l'argent, et après, seulement si vous avez l'autorisation, vous pouvez aller en Israël. Après toutes les vérifications faites par les postes de sécurité qui est là-bas. Si vous êtes de Jérusalem-Est, vous n'êtes pas en relation avec les Palestiniens d'Haïfa. Ceux de Haïfa ne sont pas connectés avec ceux de Cisjordanie. Et même si je vais me marier, je ne peux pas le faire avec quelqu'un de Cisjordanie, car il n'a pas la bonne carte d'identité. La personne ne peut pas venir en Israël et vivre avec moi. It's like make the strategy to disconnect us together. It's make. C'est une stratégie qui consiste à nous déconnecter les uns des autres. Also, if I want to marry from the West Bank, et si je veux me marier avec quelqu'un de Cisjordanie, la demande de permis peut prendre 20 ans. Et ce n'est pas sûr qu'on l'obtienne. Maybe not. It depends. Nous arrivons au checkpoint d'Erez. Je vais m'arrêter près de l'entrée et vous allez traverser la frontière pour accéder à Gaza. C'est ces grands murs qui nous séparent de Gaza. From here, this is the last point. Et là, ce sont les pièces où ils vont vous contrôler et vous faire entrer. Rooms, to the check, to crossing. Okay. À l'autre bout d'un no man's land très surveillé, Gaza, fief des islamistes du Hamas, mouvement radical fondé en 1987 par Cheikh Ahmed Yassine et qui y remporte les élections législatives en 2006. Face à un Fatah alors jugé trop corrompu et trop conciliant avec Israël, que le Hamas ne reconnaît d'ailleurs toujours pas. Ici, vous pouvez voir le mur qui entoure les rues de Gaza. Il est très difficile pour les étrangers ou d'autres personnes de pays arabes d'y entrer. Rojdi Sarraj, notre fixeur à Gaza. Seuls quelques internationaux comme vous avez de la chance d'y venir. Vous avez le permis des deux côtés, israéliens et des autorités du Hamas ici. Vous avez sans doute remarqué le grand nombre de travailleurs qui attendent de rejoindre Israël pour travailler, parce que la situation économique ici est catastrophique. Les taux de chômage et de pauvreté sont très élevés. Regardez comme notre mer est belle. C'est la mer Méditerranée. Dans ma vie, je ne rêve que d'une chose, pouvoir voyager sur la mer. Ici, l'utilisation de la mer pour le commerce ou pour voyager est interdite par la marine israélienne. Elle contrôle la mer Méditerranée et autorise seulement la pêche dans un rayon de 3 à 5 kilomètres. La mer Ce grand et bel espace est l'unique endroit où il est possible de respirer à Gaza. Malheureusement, nous ne pouvons en profiter comme tous les autres pays le font, puisqu'elle aussi est sous occupation. Il n'y a pas non plus de grands bateaux, seulement des petits pour la pêche. C'est très triste. Nous sommes maintenant à l'intérieur du camp où se trouve un centre de distribution de nourriture pour les réfugiés de l'UNRWA. Il s'agit d'une distribution hebdomadaire qui approvisionne les réfugiés en produits de première nécessité comme le sucre, l'huile, etc. Tout ce dont ils ont besoin pour améliorer un tout petit peu leur vie. Palestine. Je suis une Palestinienne de Palestine. Pauvre Palestine et ses habitants. Ils l'ont anéantie et démolie. Elle a été occupée et gouvernée par un étranger, et la mort l'a couvert par ses deux ailes. Pauvre de nous, Palestine. On est des gens bien, croyants, dispersés par des traîtres et des voleurs qu'on croyait des nôtres. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes arrivé ici et pourquoi vous avez dû fuir Jaffa ? On est parti malgré nous de Jaffa. Je rentrais de l'école, j'étais en sixième. J'étais déjà une grande fille. J'attendais mon frère et de grands camions sont passés. Ils avaient des kéfirs rouges sur la tête. On s'est mis à chanter à la gloire de l'armée irakienne. À ce moment-là, ils ont ouvert le feu et mon frère est mort sur le coup. Quand mon frère est tombé, il a été porté par des gens en direction de la plage et on a couru derrière eux pieds nus. Ils nous ont embarqués dans un bateau et on s'est retrouvés à Port Saïd. Ma sœur avait un enfant. Il est mort piétiné par la foule. Ma sœur a crié « Mon fils est mort !» Et ils l'ont pris et l'ont jeté à l'eau pour se débarrasser immédiatement du corps. De Port Saïd, ils ont demandé notre transfert à Kantara, toujours en Égypte. Une fois à Kantara, on a été réceptionnés par des Anglais. Ils nous ont installés, deux familles par logement. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. On est restés là-bas pendant une année. Après, ils nous ont embarqués dans des camions. Ils nous ont emmenés dans les camps de El Marazi. La vie à El Marazi était insupportable. À ce moment-là, on a voulu partir à Gaza. Une fois à Gaza, ils nous ont installé des tentes à côté de la préfecture. Puis ils nous ont emmenés au camp d'El Jamaizet. El Jamaizet, ce n'était pas bien non plus. À ce moment-là, Nabil Sayer, un chrétien, nous a dit « Il y a un bâtiment en cours de construction sans la toiture » et nous a proposé de le couvrir avec des bâches en plastique et il nous a dit « Restez là ». C'est mieux que la vie dans les camps. On est resté pendant deux semaines. On a été dans une autre maison abandonnée par la famille Skek. Puis ils ont construit les camps de Chatek. On a été la première famille à inaugurer ce camp. Je vous jure que la vie dans les camps, c'est la tristesse totale. Tu attends que les gens t'apportent de quoi manger. Tu ne peux pas cuisiner. Tu ne peux pas te nourrir tout seul. On attend d'être nourri par les autres. Ici, autrefois, l'UNRWA nous distribuait à manger. Il nous distribuait du pain et des plats cuisinés. Pour se laver, on attendait le passage des douches ambulantes. Nous avons vécu une vie d'humiliation totale. Oui, humiliation. شفنا ايام ذل ذل العيشه بالذل لم نرضى بها وجهنم بالعمار احلى منزلي الله بيعلم بقضوها الواحد طول الاسبوع اقسم بالله اغلب الاولاد بيشتروا بشكل la plupart du temps avec un shekel on arrivait à se nourrir تخلي الواحد مسطر حاله البيوت مسطره ربك كبير et Dieu est grand بس الانسان يقول يا رب من قال يا رب مخاب ولا تسكرت بالشباب الحمد لله Dieu merci, aujourd'hui je fais le jeûne. Et si personne ne m'apporte à manger, je mange un bout de pain que je trempe dans l'eau. Mes enfants sont au chômage et ont une famille à charge. Ils ne se nourrissent que de soupe. Nous allons rentrer chez nous. Nous allons rentrer à la maison. Lorsque vous vous posez des questions sur la Palestine, pour ce qu'est la Palestine, vous écoutez mon morceau, Home, et vous comprendrez. Qui sont les Palestiniens, ce que nous représentons, il suffit juste d'écouter Home. Raj Al-Jarou, avec son groupe Osprevy, est l'unique chanteur de rock de Gaza. Destroy every break of every wall. Dig deep inside throughout my soul. Where you scream a pain, can you hear the call? Knock, knock, are you listening at all? Conquer every corner on this earth. Bullets rain down, seize us all. Release the hate, and flames will crawl. Knock, knock, are you listening at all? Now there are some youngsters that are still listening to the Eastern old music. Il y a des jeunes qui écoutent toujours la musique orientale traditionnelle, qui est une belle musique. Je suis un artiste et je respecte tous les instruments. Le oud, c'est bien, mais ce n'est pas le style qui me correspond le plus. La musique que l'on joue n'est pas pour Gaza. Les Gazaouites n'écoutent pas de musique en anglais ou en français. Nous sommes ici pour représenter les habitants de Gaza dans une autre langue. C'est pourquoi nous nous sommes appelés ceux qui chantent dans la langue des oubliés. La plupart des gens d'ici, et même dans le monde arabe, portent un regard négatif sur la musique. Ils considèrent la musique comme haram, une chose impure, c'est mal. Ils pensent qu'on devrait faire autre chose. Je parle d'occupation, de toutes les formes d'occupation, pas d'un lieu ou d'un sexe spécifique, mais de toutes les formes d'oppression. En tant qu'être humain, tu devrais être avec moi et non contre moi lorsque je suis opprimé, parce que moi, je serai à tes côtés lorsque tu le seras. But we're trying to make entertainment business in Gaza. We're trying to build. Nous essayons de créer du divertissement à Gaza. Quels sont les loisirs des Gazaouites? Les cafés, les plages et rien d'autre. Nous sommes comme piégés ici. Mais nous avons de bonnes possibilités avec notre entreprise et avec l'équipement que nous apportons aux gens. C'est possible de faire une carrière dans le divertissement et d'en faire un mode de vie. Mais pour le moment, il faut travailler. C'est l'un des seuls espaces verts ici à Gaza. Il n'y en a pas beaucoup. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, Dania, une petite fille, j'avais très peur qu'elle vive la même vie que moi. Ma vie est très dure. J'ai assisté à au moins 4 ou 5 conflits ici à Gaza. Nous sommes proches de la mort à chaque instant. Nous ne savons jamais ce qui se passera demain ici. La situation est très mauvaise et compliquée. C'est le son des drones israéliens qui survolent Gaza et qui parfois attaquent avec une roquette ou quelque chose du genre. Il ne disparaît jamais complètement du ciel de Gaza. Il est toujours là, la nuit, le matin, en pleine journée. Chaque jour, il est là avec nous. Ces drones trouvent tout ce qu'ils cherchent et scannent Gaza d'une frontière à l'autre pour tout espionner. C'est un traumatisme pour la population qui appréhende tous les jours une attaque. Maral vient de m'appeler, elle voulait savoir si tout allait bien. Elle m'a dit qu'il y avait une opération à Nablus menée par l'armée israélienne et ils ont tué 3 personnes, des jeunes. Ils ont confisqué leur corps après les avoir tués. Imaginez le sentiment de leur mère. Ils en ont arrêté un autre qui est en vie. Tous les jours ou tous les 2 jours, l'armée israélienne mène des opérations contre les Palestiniens en Cisjordanie. La situation est difficile et tendue. C'est très triste d'entendre ça. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. Welcome back. How is your trip? Alors ce voyage, you understand what that means. Vous comprenez maintenant ce que ça signifie de vivre à Gaza? We have and the hard life. Nous avons sûrement une vie difficile à l'intérieur d'Israël, à Jérusalem ou en Cisjordanie. We are living in heaven. Mais c'est un paradis comparé à ce que vivent les Palestiniens à Gaza. C'est un drone? Yeah. You see it? It's a big one. Alors, ici, à notre gauche et à notre droite, il y a deux maisons sur lesquelles il y a des portraits. C'est qui ces gens ? Ici, c'est la maison d'un martyr. Et sur le mur, c'est sa photo. C'est le cousin de Yasser Arafat. Camp de réfugiés de Bethléem. Hanin Bachir, 42 ans, ancien combattant palestinien, y habite avec sa famille après avoir passé 14 ans dans les geôles israéliennes. C'est ça notre vie dans une Palestine sous occupation. Oui, nous vivons sous l'occupation. Elle domine la terre, l'humain, la pierre et même le ciel. Nous ne sommes libres de rien. Tous les jours, il y a des descentes de l'armée pour nous perquisitionner, nous kidnapper, nous blesser ou nous tuer, tous les jours. Mon père, aujourd'hui décédé, paix à son âme, nous racontait des histoires. Le quotidien avec les amis, leur vie de paysan, le rythme des récoltes. Ils étaient libres de leurs mouvements et jouissaient de leur maison. Aujourd'hui, nous sommes au camp d'Al-Daïeché, comme dans n'importe quel camp. Tu es dans un espace, rien ne te sépare de ton voisin. Tu n'as même pas d'intimité parce que les maisons sont collées les unes aux autres et il faut penser aux voisins. Tes enfants, ils ne doivent pas faire de bruit. Ils n'ont pas d'espace de jeu, pas de club, de salle de sport qui leur permettrait de grandir normalement. Les cours de récré, nous ne les voyons qu'à la télé. Nous sommes des réfugiés et nous vivons dans une prison. Moi, je compare ça à une prison car j'ai connu la prison. Et je suis sûr d'avoir eu plus de liberté en prison que dans ces camps. Kadem Sarajouri, 22 ans. J'ai quitté la cellule de la prison, mais en réalité, je suis toujours prisonnier. Parlons de Bethléem. Il y a seulement deux checkpoints que les Palestiniens peuvent traverser. Container, qui est à l'est, et Al-Nashash. S'ils décident de les fermer, tu deviens prisonnier. Ici, tu es dans une prison à ciel ouvert. Tous les jours, l'armée fait des descentes à l'aube. Chaque jour, nous avons un martyr, un kidnappé, un blessé. Ils ont 14 ans, ils sont si jeunes. Aujourd'hui, on est avec un copain et le lendemain, il meurt. Maintenant, les ambitions de nos jeunes, c'est de mourir en martyr. C'est devenu un vrai phénomène. Ces jeunes qui veulent mourir en martyr laissent des testaments. Du genre, faites attention à ma famille. Continuez sur ma voie. Priez pour moi, ne m'oubliez pas. Et comme il croit qu'il va aller au paradis, il finit par « Je vous attends là-bas ». La vie dont ils rêvaient n'existe pas. Ils ont perdu espoir. Ils veulent retrouver Dieu pour retrouver la vie qu'il était censé vivre comme un enfant palestinien. Et au lieu de penser à s'amuser, ils sont dans le désespoir. « Hanin Batlaoui, journaliste de Ramallah. Il est aussi très difficile de vivre à Ramallah parce qu'il faut toujours tout planifier et vérifier la situation sur la route. Parfois, c'est plus facile de rester ici et de ne rien faire. You know when you put a mouse in a box? And then it's a maze. They figure out the way how. Vous savez, quand vous mettez une souris dans une boîte et que c'est un labyrinthe, elle trouvera le moyen de sortir par le point d'arrivée. For example, many people go. Par exemple, beaucoup de personnes réussissent à entrer sur le territoire israélien par de petites ouvertures dans les murs. Small openings in the wall. Comme la souris, ils trouvent un moyen, ils entrent, vivent leur vie et en profitent. Ensuite, ils reviennent. Mais c'est aussi très difficile et très risqué. Car si vous vous faites prendre, ils vous arrêteront pendant une journée et vous demanderont de signer un document vous interdisant d'entrer à nouveau sans permission. Cette détention pourrait vous empêcher d'obtenir un permis à l'avenir. Personnellement, je ne les risque pas. Les jeunes gens de notre âge sont très déçus, ils ont perdu espoir, ils veulent quitter la ville. Mais nous restons pour la cause et nos proches. Sinon, tout le monde serait éparpillé et personne ne vivrait ici. Les endroits qui correspondent à mon mode de vie et dans lesquels je me verrais vivre sont probablement Bethléem ou Jéricho. Les options restent très limitées, mais on garde espoir. Parfois, vous conduisez et vous vous prenez à imaginer « Ah, si j'avais une carte d'identité bleue, je pourrais aller à la plage aujourd'hui, aller visiter le plateau du Golan. » Mais c'est impossible. Nous vivons toujours avec des rêves impossibles à réaliser. Il faut survivre ici. On parle des ambitions. Et il y a une blague entre un Palestinien et un Français. Le Français demande au Palestinien « Quel est ton rêve ?» Le Palestinien répond « Je rêve d'avoir une voiture, une maison, fonder une famille, avoir un enfant. » Et le Français dit « Je ne te parle pas de tes droits, je parle de ton rêve. » Des Palestiniens, des jeunes Palestiniens maintenant, ils veulent quitter le pays. Majdi Malki, professeur de sociologie à l'université de Bir Zeit et chercheur à l'Institut des études palestiniennes de Ramallah. Ils cherchent leur liberté ailleurs. C'est ça le plus important pour les jeunes. Pour eux, c'est de rester dans une petite ville comme Ramallah, 60 000 habitants. Ils ne connaissent rien, il a peur d'aller à Naplouse, il rentre à 7 heures du soir parce qu'il a peur que les soldats israéliens ou des patrouilles qu'ils entrent à Ramallah à n'importe quel moment. Voilà, c'est pas une vie normale. Ça concerne pas seulement les jeunes de classe moyenne, mais aussi les jeunes de classe bourgeois ou les jeunes des ouvriers et tout. Comment se forger une identité palestinienne alors que tout ce qui fait l'identité est en train de disparaître ? Comme toutes les identités, c'est une identité imaginaire. C'est la Palestine, c'est la cause palestinienne qui unit tous les, bien sûr, les Palestiniens dans tous les pays, même en Palestine et dans les diasporas. Ce sont des Palestiniens et des jeunes qui, pour eux, ils imaginent la Palestine, ils imaginent la cause palestinienne, la résistance, et aussi ils identifient bien leur ennemi. Et c'est pour eux l'ennemi essentiel, c'est Israël, les colonies et les colons. C'est ça qui unit les Palestiniens en général. Malgré la division sur le terrain, malgré les changements continus sur le terrain, les changements géographiques, les changements sociaux, tout ça. C'est la politique israélienne qui, de notre côté, c'est qui renforce l'identité palestinienne, parce que il chasse, il pousse, il domine, il contrôle tous les Palestiniens de la même façon. Même s'ils étaient bourgeois ou un fils de ministre et, ou un jeune de camp de réfugiés. Ça veut dire que la politique israélienne fonctionne ? Oui, moi je dis oui, la politique israélienne fonctionne très bien. Et malheureusement, que les différentes fractions palestiniennes et l'autorité palestinienne sont incapables de faire barrage, d'empêcher le mouvement et la politique israélienne et leur impact sur le terrain. Et la situation, bien sûr, dans les régions arabes et les pays arabes sont complètement loin maintenant de soutenir les Palestiniens. Et donc, je ne vois pas vraiment une solution dans l'avenir et je ne vois pas qu'on est capable d'empêcher ou de changer la situation et que surtout des jeunes. Parce que, bon, quand je parle de jeunes, je parle de 65% des Palestiniens. Moins de 30 ans sont les 65% de Palestiniens ici. Les jeunes à Gaza, par exemple, ils font comme partout dans les régions, et ils prennent la mer et ils risquent de quitter ça. Voilà, c'est l'immigration illégale. Mais bon, en Cisjordanie, c'est pas ça le cas parce que bon, il y a pas vraiment une issue. Mais elle cherche par exemple, des bourses par leur famille en Amérique et tout. C'est des réseaux inofficiels pour quitter le pays, pour immigrer. Pour les jeunes, ils n'ont pas vraiment une idole, ils n'ont pas vraiment l'espoir qu'on avait avant. Même quand on résiste sans organisation, on prend des initiatives plutôt individuelles. Et oui, c'est presque c'est des suicides, voilà. Et ça, c'est pas vraiment des mots populaires. Le mouvement palestinien de résistance, faut que ce soit organisé et dirigé par des mouvements très clairs. Shadi Zaktan, chanteur, auteur, compositeur de Ramallah et de Berlin. لا من البحر لا من الشجر لا كل شي هون بيقول ولا في الأصايد لا في الجدايل لا في كل صباح الخير لا من البحر لا من الشجر لا كل شي هون بيقول لا من الأصايد non à la mer non aux arbres chaque chose dit non. Non à tout ce qui est autour de toi. Nous sommes la dernière réserve, comme ces réserves d'Indiens d'Amérique qui résistent. Nous sommes sous occupation culturelle, économique, politique. Et l'autorité palestinienne, qui elle-même est privée de sa propre autonomie, ne peut nous aider en rien. Donc tu dois te débrouiller seul et ça c'est pas facile. Ils n'arrivent même pas à construire des hôpitaux. Qu'avons-nous à espérer d'eux ? Du côté israélien, gauche ou droite, c'est la même chose. Qu'a fait la gauche avant ? Rien n'a changé, tout est propagande. J'ai un chez moi d'avant 48 dans le village de Zakaria. Ils ont changé son nom. Maintenant, ça s'appelle Bet Shemesh. J'ai une maison là-bas et je continuerai à dire non, comme dans ma chanson. Pourquoi je ne retournerai pas dans mon village? Certains ont fini par rentrer chez eux après 115 ans. Ils ont retrouvé leur quartier, leur maison. Pourquoi pas moi? Si la paix internationale doit reposer sur le fait que moi, je dois perdre mon territoire, je ne pardonnerai pas. Je veux un pays. كل شي هون بيقول لا لا لا لا لا لا ولا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف كيف باس جنين لا ما بعرفش قديش دقيقه الاخبار شهيد hier martyr et 5 blessés à Jenin. Ça vient d'arriver. Ouais. Tous les jours. Tous les jours, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'était les Palestiniens, la question palestinienne, des murs, des barbelés, des colons et une occupation. Avec Shadi Zaktan, Rushdie Sarraj, Heba Sharif, Raji Al-Jarou, Maral Koutiene, Khatem Totar, Majdi Malki, Hanin Bashir, Kadem Sarajouri, Hanin Batlaoui, Fareh Abomedem, Hanan Husseini et Efsi Aboussnene. Avec les voix de Baptiste Murier, Antoine Villoz, Pascaline Bonnet, Renaud Dalmar, Félix Levaché, Doria Zénine, Paul Mineldret, Nicolas Berger, Cyril Marchand, Anaïs Isabert, Stéphane Spada et Eric Lancien. Merci à Indiana Burkel et Baptiste Murier pour les traductions. Prise de son Jean-Guilain Mège, Marie-Claire Oumabadi, Claire Levasseur. Mixage, Claire Levasseur. Attaché de production, Anaï Morales. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Somanina pour la série documentaire.